Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Je suis bien tranquille. Qu'est-ce qu'elle va devenir sans toi, ta petite? D'abord, tu n'es pas si petite. Tu as le courage de lui dire ces choses-là? Ah, on ne se verra plus. Tu pourras ne plus me revoir. Ce n'est donc rien, 2 ans de souvenirs. Mais tu viens de me dire que tu m'aimais depuis 8 jours. Ben oui, mais toi... Toi, pendant ces 2 ans-là, tu m'as aimé. Oh, pardonne-moi, Dick. Je suis à tes genoux, mon petit Dick. Oui, moi, l'orgueilleuse. Oh. Ton orgueilleuse. Tu sais, hein, comme tu disais, Dick. Pourquoi ne veux-tu pas me regarder? Ah, Dick, c'est que tu as peur. Si tu voyais mes yeux, tu n'oserais pas partir. Ah, non, c'est assez. Non, t'en vas pas, mon chéri, c'est pas la peine. Tu me retrouveras partout. Des heures, je t'attendrai. Je veux que tu m'aimes encore. Ah, oh, comment est-ce que je pourrais vivre sans toi? Mais très bien, mais très facilement. Oui, oh, fais-moi souffrir, sois méchant. Je veux bien être puni, mais ne t'en vas pas. Non, non, me laisse pas toute seule. Mais veux-tu me lâcher? C'est assez, on est lâche-moi. Ah, tu veux donc que je meure? Que je meure sans savoir réparer tout le mal que je t'ai fait? Oh, ça, c'est une idée que je peux pas supporter, vois-tu. Je n'ai pas été assez gentille avec toi. Ne me laisse pas si remords. Oh, toi, mon chou... Tu serais donc le seul à garder de moi un mauvais souvenir. Cette scène est ridicule. Donne-moi ta main, au moins. Ta main seulement. Pour me dire adieu. Pour me dire adieu. Donne-lui ta main, va. Pourquoi faire? Je m'en vais. C'est tout. Petit idiot. Ta main, mon petit Dicky. Non, non, non. Mais de quoi tu peux? Tu es si sûr de toi, si sûr de ne plus m'aimer. Méchant. Rien ne peut plus rien changer maintenant, puisque c'est fini. Hein? C'est fini, nous deux. Donne-moi ta main, va. Elle savait si bien me caresser, dit. Tu te souviens, ta main. Pour la dernière fois, mon chéri. Mon chou. Garde-la, Richard. Personne ne t'aimera comme elle. Tu sais, il ne faut pas croire tout ce qu'elle dit. Oh, Richard. Et puis le pardon, c'est très bien, crois-moi. Non, non, c'est une menteuse, une comédienne. Je ne pense pas un mot de ce qu'elle dit. Reprends-la pour quelques jours, Richard. Tu verras bien si elle est sincère. Oui, quelques jours seulement, Dicky. Quelques jours de bonheur encore. C'est l'orgueil seul qui t'empêche de le faire, je le sens bien. Si je n'étais pas là, il y a longtemps que tu l'aurais prise dans tes bras. C'est vrai, mon Dicky. Ah, tu m'énerves, toi, écoute. Je te connais bien. Je viens, Dicky. Dis, je peux venir. Je m'embête à crever là-dedans, moi. Ah, vous voilà, vous. Non, non, je passais, je m'en vais. Vous voilà, je suis sauvé. Je dormais par là, j'y retourne. Ne vous dérangez pas. Je suis sauvé. Comment pouvais-je croire que la sœur de ce type-là était sincère? Comment pouvais-je m'attendrir sur la sœur de ce type-là? Qu'est-ce que tu dis? Devant elle, devant ses sanglots, j'avais tout oublié. Mais le voilà, lui, mon fidèle, mon sauveur. Le voilà qui rapporte l'atmosphère louche, les mensonges, les petites fourberies de tous les jours. Merci, mon vieux, je vous dois une fière chandelle. Vous avez fait du propre. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais me laisser reprendre. Heureusement, il y a cet imbécile, il y a ce brave imbécile. Qu'est-ce que tu dis, Richard? Qu'est-ce que tu dis? Embêtant de l'entendre chanter faux tout le temps, mais au moins ça sert à quelque chose. C'est à cause de lui que je sais tout. Ce n'est pas vrai, Marceline. Ce n'est pas vrai, je te le jure, je ne lui ai rien dit. Ne gronde pas, Marceline. Il ne m'a rien dit, le pauvre diable. Il ne m'a rien dit. Mais c'est une gourde. Pourtant, tu étais revenu à moi, Dicky. Je ne voudrais pas faire de tort à ton frère parce que je ne sais pas très bien ce qu'il deviendra sans toi. Mais je voudrais pourtant te donner un conseil. Tu ne devrais pas le garder près de toi, car il te ressemble. Oh, par exemple. C'est vrai, on me l'a toujours dit. Vous avez la même âme, comprends-tu? Seulement chez lui, on la voit tout de suite. C'est pas vrai, Richard. Mais dis donc, toi. Que veux-tu? Ton frère, ça a été pour moi, brusquement, les histoires de domestiques dont vos lettres sont pleines. Donne la clé à Emma, envoie le pneu à l'adresse d'Augustine. Ton frère, c'est la confidence entre deux portes, c'est l'ami de pension qu'on a retrouvé, c'est la poste restante, tout ce qu'il y a de douteux, de coupable dans l'amour. Oh, ne recommence pas, Richard. Tu te rappelles pas bien tes lettres? On n'y parle que de clo-clo. Appelez cela. Clo-Clo! Mais dites donc, vous. Tu n'as qu'à prévenir Clo-Clo. Je te ferai faire voir par Clo-Clo. Quand on a peur que je me doute de quelque chose, rassure-toi, il y a Clo-Clo. Sans Clo-Clo, je ne sais pas ce que vous seriez devenu. Ça, c'est bien vrai. Mais taisez-vous donc! Mais dites donc, vous. Richard, mon chéri, mais ne te fais pas de mal en te rappelant tout le temps tes lettres. Tu avais pardonné tout à l'heure, mais chaque détail que tu évoques remet tout en question. Ah oui, j'ai été bien coupable, mais je t'aime. Depuis 8 jours. Ah, il devrait t'en faire oublier d'autres, souviens-toi. N'a pas de chance. Ces 8 jours d'amour que tu prétends avoir eu pour moi, j'en ai pas profité. Je ne les ai employés qu'à ma jalousie. Ah, que faire, que faire? Je sens bien que tout est perdu. Malheureux idiot, mais quand cesseras-tu de pleurer bêtement sur ton amour propre? Ce qui t'ennuie, c'est d'avoir été dupé, dupé par Clo-Clo. Tu n'as même pas de chagrin. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu te permets de dire? Non, tu n'as pas de chagrin, pas de chagrin. Je le vois bien, moi, qui en ai. Malheureux, vas-tu ne comprends donc rien? Tu ne vois donc pas que je suis vaincue? Vaincue, je te dis? Tu ne comprends donc pas que ce n'est plus la femme de ses lettres qui te parle? Ah, quel amour tu vas perdre, mon pauvre Richard. Ah, tu me plains maintenant. Ah oui, je te plains de ne pas comprendre. Eh bien oui, je t'ai trompé, oui, je t'ai trompé. Mais puisque je te dis que c'est pour ça que je t'aime. Oh. Ah, tu me voudrais des remords, hein. Et puis des regrets. Des remords quand je te vois si près du bonheur et ne rien comprendre. Oh, malheureux, va. Malheureux, tu as vu de quoi j'étais capable quand j'aimais et tu me repousses. Oui. Oui, oh, mais tu me connais pas du tout. Quand je pense que tout à l'heure, tiens, tu as dit en parlant de Jeff que je l'avais choisi comme nouvelle victime. Oh, je me fiche bien de lui. Tiens, il n'a qu'à te répéter ce que je lui disais tout à l'heure. C'est inutile de m'aimer, je lui disais. N'est-ce pas, Jeff? Oui, Marceline. Oubliez-moi. Enfin, n'est-ce pas, Jeff? Oui, Marceline. J'aime Richard. N'est-ce pas, Jeff? Oui, Marceline. J'ai pas voulu qu'il donne à mon nom à une fleur qu'il avait inventée. Vous avez inventé une fleur? Mes compliments. Mais que veux-tu me démontrer? Qu'entre Jeff et toi, il n'y a rien? Je le sais bien. Mais qu'est-ce que ça prouve? Que Jeff est un idiot? Tu m'as dit toi-même, quand je serai bien usé, que personne ne me fera plus la cour, alors j'épouserai Jeff. Marceline. On te fait encore la cour, la preuve. Et aux autres, tu ne dis pas j'aime Richard. Tu ne dis pas oubliez-moi. Tu ne dis pas que t'aimer, c'est inutile. Veux-tu que je te dise que tu leur réponds à cela? Hein? Au hasard. Oh. Une nuit sans toi, bon. Pas celle-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Je n'ai pas pu lire. Amour. Hé hey! Celle-là, par exemple. Non, épargne-moi, Richard. Tu as écrit ça. Je ne m'en souvenais plus. Tu as osé écrire ça. Pardon, pardon. Tu es une fille immonde. Voilà ce que tu es. Oh, tu recommences. Un genou, tout de suite. Richard, je t'interdis. Sors-toi de là. Promets-moi au moins. Je ne la toucherai pas, mais sors-toi de là ou je te casse la gueule. Je prends note, tu ne la toucheras pas. J'ai honte, mon chéri, j'ai bien honte. Je voulais faire ma vie avec ça. Oh, tu es chez moi, mon chéri. Qui la faute? Qui l'a fait venir chez toi? Crois-tu que je n'aurais pas mieux aimé la tenir dans un coin et lui dire ce que je pense à la seule? Oh oui, tous les deux seuls. Oh, je serais si bien de convaincre. Oh, pourquoi suis-je venu? Pendant 2 ans, j'ai vécu avec ça. Oh, nom de Dieu! Oh, mon vase de Chine! Il est cassé. Je me privais de tout. Je refusais de sortir avec les copains. Pendant que tu y es, reproche-lui donc aussi d'avoir fait rompre avec tes autres maîtresses. Tout ça pour la sœur de Clo-Clo. Pardon? Pour la digne sœur de cet immonde personnage. Qu'est-ce que je déguste? Comment puis-je souffrir encore? Ne méprimes-tu donc pas l'amour? Est-ce qu'après ce que j'ai lu, je devrais encore me soucier d'elle? Tu raisonnes trop, Richard. Pardonne-lui donc, puisque tu l'aimes. Jamais, tu entends? Jamais! Alors pourquoi ne t'en vas-tu pas? Si tu n'as pas l'intention de pardonner, pourquoi prolonges-tu cette scène qui te déchire? Pourquoi? Ah, tu as vraiment des questions inouïes. Mais tu ne comprends pas que ça ne peut pas se passer comme ça, qu'il faut que je lui dise mon dégoût et mon mépris. À quoi bon? Alors toi, tu ne dirais rien? Non, je pardonnerai ou je m'en irai. Je crois que je pardonnerai. Oh, puis tu m'embêtes, hein? Je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec toi. Qu'allons-nous faire pour les meubles? Oh, ce que tu voudras. Puisque tu t'en vas, ça m'est bien égal. Je me permettrai de vous rappeler que le bahut breton est un souvenir de famille. Marceline y tient. Nous y tenons. Enfin, j'y tiens. Soyez tranquille. Et puis alors, le piano, moi, j'aimerais bien. C'est bon. Alors, il est inutile de parler de tout cela. Je prendrai rendez-vous demain matin pour régler les derniers points. Avec ton homme d'affaires. Tu peux me dire des méchancetés, va maintenant. Ce ne sont pas des méchancetés. Sans donc pas qu'il n'a qu'une idée. Sauver quelques petites choses du désastre. Oh, mais vous m'embêtez à la fin. Comment? Moi? Qu'avez-vous dit? Quoi? Oui, vous. J'ai dit que vous m'embêtez à la fin. Vous osez? Vous osez dire quelque chose? Mon sax! Mon précieux sax! Mais qu'est-ce que j'ai sous les pieds? Oh, c'est mon disque, mon cher disque! Il est cassé. Cassé, je ne pourrai plus entendre Monner. Monner, Marceline, Monner. Quoi? Il va se passer aujourd'hui quelque chose d'important pour moi, Marceline. Tu parleras de ça plus tard. Où en étais-je? Finissons-en une bonne fois. Oh oui, finissons-en, je n'en peux plus. Demain, je t'enverrai un chèque. Et j'espère que Clo-Clo sera content. J'en veux pas de ton sale argent de mauvais cœur. Défie-toi de tes premiers mouvements, Marceline. J'ai mal. Pardon, alors. Je ne cherche pas à te faire souffrir, je t'assure. Je ne tiens pas du tout à me venger de toi. Maintenant que tu ne peux plus rien contre moi, que je me sens, sinon guéri, du moins délivré de toi, je puis bien t'avouer une chose. C'est que tu m'as rendu heureux. Tu m'as sans doute trompé pendant ces 2 ans, mais je ne m'en suis pas aperçu. Tu sais si bien faire croire ce que tu veux qu'on croie. Oui. Je te remercie, Marceline. Oh, je ne peux plus entendre ça, tais-toi. Je te remercie de ta jeunesse, Marceline, de ta gaieté, de ta coquetterie. Parce que tu étais jeune, coquette et gaie sans mentir. Que Tu l'as été près de moi, c'est assez pour que je te remercie. Je ne vais accepter de toi que ce que tu m'as donné inconsciemment pour être sûr de ne pas me tromper. Et je m'en contente. Assez, Richard. Et puis alors, je vais te rendre tes lettres. Tes lettres d'amour. Mais comme nous ne nous sommes jamais quittés, que tu ne m'as jamais écrit, je vais te rendre celles que tu écrivais à Jacques. Tous les amoureux ont des lettres d'amour. Voilà les nôtres. Assez, Richard, assez. Quand je te les aurai rendues, peut-être finirai-je par les oublier. Peut-être ce qui a été notre amour, débarrassé de cette infamie, aura-t-il gardé assez de force pour faire un gentil souvenir. Au secours, chef, au secours. Voyons, Marceline. Ah, je n'en peux plus, qu'il se taise, faites-le taire. Oui, tais-toi, Richard, tais-toi. Oh, mais dis donc. Cette fois, c'est assez. Je te laissais dire, maintenant, aie pitié d'elle et tais-toi. Tu vas m'imposer silence, toi? Parfaitement. Tu vas me faire taire, toi? Mais oui. Bravo, chef. C'est pas assez que vous vous soyez foutus de moi tous, je pourrais même pas le dire. Tu l'as assez dit. Oui. Mais d'abord, de quoi te mêles-tu? Elle m'a appelé à son secours. Et alors? Laisse-moi parler maintenant, veux-tu? J'ai entendu tous tes griefs, certains sont justifiés, et la colère, dont tu ne modères pas assez l'expression, est légitime. Mais il est une chose dont tu ne sembles pas t'apercevoir. C'est que Marceline t'aime réellement, que son chagrin est profond, et que tu ne seras peut-être plus jamais aimé comme elle t'aime en ce moment. C'est mon devoir de te le dire. Regarde-la, regarde son pauvre visage. Tu ne peux tout de même pas lui en vouloir d'être moins jolie parce qu'elle a pleuré pour toi. Écoute-le, Richard. Écoutez-le, Richard. Une chose encore me fait croire que tu as tort de la quitter. J'ai entendu tout ce que vous avez dit, je sais tout ce qu'elle a fait. Je devine ce qu'il y a dans ses lettres. Eh bien, je l'aimais avant, tu le sais. Maintenant, je l'aime encore. C'est tout de même une indication. Florine, c'est pas toi qui l'as trompé. Non, je partirai pour Londres demain. Faut-il encore lutter, Marceline? Non, qu'il s'en aille, le pauvre. Le pauvre. Alors, Richard, adieu. Tu ne me reproches à rien. J'ai fait l'impossible pour vous réconcilier. Je le reconnais. Tu es bien décidé. Oui. Le chagrin de Marceline ne te touche pas. Non. Tu ne regrettes à rien. Regretter une femme pareille? Alors, je la prends. Voulez-vous être ma femme, Marceline? Votre femme, chef? Ta femme? Je vous sens perdu, découragé, je vous aime. Voulez-vous que j'essaie de vous consoler? Ta femme? Elle m'a appelé à son secours. Vous ne répondez pas? Elle accepte, sois tranquille. C'est ce qui te trompe. Et ce qui prouve une fois de plus que tu ne me connais pas. Je vous remercie. Ah oui, chef. Je vous remercie du fond de l'âme. Tu n'acceptes pas? Vous êtes un trop noble cœur, chef, pour que je vous fasse courir un risque pareil. Vous souffririez trop si je vous épousais maintenant. Je veux d'abord oublier celui-là. Et après, j'essaierai de vous aimer. Oh oui. Je m'y appliquerai de toutes mes forces. Vous m'aimerez? D'ailleurs, j'ai entendu monnaie. Et elle t'aimera, sois tranquille. Alors, mes amis, ne me reste plus qu'à vous souhaiter de m'oublier au plus tôt. Je suis navré de perdre un ami en même temps que... Enfin... Pourquoi? Quand elle t'aura oublié, nous pourrons très bien te revoir. Tu ne compteras plus, tu auras pourtant dû voir comme elle oublie. Tu n'existeras plus, je te dis, tu seras comme Jacques. Hein? Nous pourrons très bien te revoir, n'est-ce pas, Marceline? Jamais. Je ne le reverrai jamais. Elle dit ça parce qu'elle t'aime encore, mais sois tranquille. Dès qu'elle ne t'aimera plus, tout s'arrangera très bien. Je le souhaite. Oui, on sait certain. Je suis heureux, Marceline, que tu aies trouvé aussi rapidement à me remplacer. Tu ne pouvais avoir plus de chance. Jeff te rendra très heureuse. Une seule chose, mon ami. C'est qu'avec lui, tu ne vas même pas me regretter. Pourquoi ça? Parce que moi, j'avais tout de même des moments d'humeur, des jours où j'étais pas gentil. Tandis que toi... Elle te regrettera quand même, va. C'est peut-être ça qu'elle regrettera. Alors, adieu, Marceline. Tu ne veux pas me dire adieu? Vous ne voulez pas lui dire adieu? Adieu. Par quoi? Donne-moi la main. Donnez-lui la main, Marceline. Pourquoi faire? Il s'en va, bah, c'est tout, cet idiot. Tout à l'heure, c'était lui qui ne voulait pas. Maintenant, c'est vous. Donnez-vous la main, voyons. Tu as l'air de m'en vouloir, Marceline. C'est un peu fort, tout de même. Oh, si vous vous aimez, mes enfants, réconciliez-vous. Il en est temps encore. Je ne veux pas me réconcilier. Je trouve un peu fort qu'elle m'en veuille. Oh, ne recommence pas. Adieu, Richard. Adieu, adieu. Adieu, Marceline. Toi, Jeff, tu me plais. Appelle-moi Clo-Clo.